Premier livre des Chroniques, chapitre 8. Or Benjamin engendra Bella, qui fut son premier-né, Asbel le second, Akra le troisième, Noa le quatrième, et Rapha le cinquième. Et les enfants de Bella furent, Adar, Guéra, Abiru, Abizua, Naaman, Aoa, Guéra, Séfufan, et Uram. Ce sont là les enfants d'Ehu. Ceux-là étaient chefs des pères des habitants de Geba, qui furent transportés à Manahat. Et Naaman, et Aïja, et Guéra, qui les transporta, et qui après engendra Uza et Ahu. Or Saharajim, après les avoir envoyés, eut des enfants au pays de Moab, d'Uzim, et de Bahar à ses femmes. Et il engendra, de sa femme Jobab, Tsibia, Mesa, Malcam, Ju, Sogja, et Mirma. Ce sont là ses enfants, chefs des pères. Mais d'Uzim il engendra Abitub, Elpaal. Et les enfants d'Elpaal furent Tébé, Missam, et Semed, qui bâtit Ono, Elo, et les villes de son ressort. Et Beria et Sema furent chefs des pères des habitants d'Ajalon, ils mirent en fuite les habitants de Gath. Et Ayo, Saza, Jérémoth, Zébadia, Ara, Edé, Michael, Jispa, et Joa, enfants de Beria. Et Zébadia, Mesulam, Iski, Ebé, Jismerai, Jislia, et Jobab, enfants d'Elpaal. Et Jakim, Zikri, Zebdi, Elienaï, Siotaï, Eliel, Adaja, Beraja, et Sinrat, enfants de Simi. Et Jispan, Ebé, Eliel, Abdon, Zikri, Anan, Ananja, Elam, Antotija, Jivdeja et Penuel, enfants de Saza. Et Sansraï, Saria, Atalija, Jaharesia, Elija, Zikri, enfants de Jéroam. Ce sont là les chefs des pères selon les générations qui furent chefs, et ils habitèrent à Jérusalem. Et le père de Gabaon habita à Gabaon, sa femme à Benon Maaka. Et son fils premier-né fut Abdon, puis Tsur, qui, Baal, Nadab, Guédor, Ayo, Ezeké. Et Miklot engendra Siméa. Ils habitèrent aussi vis-à-vis de leurs frères à Jérusalem, avec leurs frères. Et Ner engendra qui, et qui engendra Saül, et Saül engendra Jonathan, Malkissua, Abinadab, et Esbaal. Le fils de Jonathan fut Merib-Baal, et Merib-Baal engendra Mika. Et les enfants de Mika furent, Pithon, Melech, Taréa, et Achaz. Et Achaz engendra Jehoada, et Jehoada engendra Almet, Asmavet, et Zinri, et Zinri engendra Motsa. Et Motsa engendra Bina, qui l'eut pour fils Rapha, qui l'eut pour fils Elaza, qui l'eut pour fils Hatzel. Et Hatzel eut six fils, dont les noms sont, Azrikam, Bokru, Ismaël, Seharia, Obadia, et Anan, tous ceux-là furent enfants d'Hatzel. Et les enfants d'Ezé son frère furent, Ulam son premier-né, Jéhu le second, Eliflé le troisième. Et les enfants d'Ulam furent des hommes forts et vaillants, tirant bien de l'arc, et ils eurent beaucoup de fils et de petits-fils, jusqu'à 150, tous des enfants de Benjamin.